Chapitre 40 Le parent. Ophélie ne rêvait pas. Un corps était bel et bien en train de traverser les 40 centimètres d'épaisseur de la porte. L'or luisait comme de la lave en fusion et pourtant, l'homme qui s'en extrayait ne portait aucune trace de brûlure. Une fois dans la cellule, il épousseta ses habits des paillettes dorées qui s'y étaient déposées. Sa peau était noire et il portait un tartan caractéristique du clan alchimiste de Plombor. Le métal de la porte avait déjà repris une consistance solide, mais une croûte disgracieuse s'était formée là où, une minute plus tôt, l'or était impeccablement lisse. L'homme posa un regard placide sur Ophélie et Thorne à travers les barreaux de la grille de sécurité, à croire qu'il n'y avait rien d'inhabituel à passer à travers une porte de prison comme dans du beurre. Il se mit alors à pâlir, ses yeux se bridèrent et ses habits s'orientalisèrent. En l'espace d'un instant, il devint une toute autre personne. Il s'introduisit entre les barreaux avec une souplesse surnaturelle, comme si son corps entier était fait en caoutchouc. « Nous nous retrouvons encore, petit animiste » chantonna-t-il d'une voix musicale. Ophélie entr'ouvrit la bouche, mais ses lèvres formèrent les trois mots sans laisser échapper un son. « Le mille-faces ». Qu'un membre de la caravane du carnaval fût venu se perdre dans un endroit aussi improbable, cela dépassait son entendement. Sa surprise était toutefois sans commune mesure avec celle qui avait saisi Thorne. Il s'était appuyé à la table pour tenter de se camper sur sa jambe valide, et cette manœuvre à elle seule était en train de tremper sa chemise de sueur. Les mâchoires serrées comme des tenailles, il contemplait le mille-faces d'un regard étincelant. Avec une souveraine indifférence, le mille-faces s'empara d'une chaise. Entre l'instant où il amorça un mouvement d'assise et celui où il prit place sur le siège, son corps s'était agrandi à la façon d'un élastique. De grosses moustaches en guidon lui poussèrent sur le visage comme un champignon, ses habits se muèrent en uniforme à brandebourg et l'un de ses yeux dévia à l'intérieur de son orbite. De plus en plus éberlué, Ophélie reconnut le gendarme Strabik qui l'avait rattrapé dans l'escalier de la manufacture de sabliers. Il croisa les jambes et enroula les doigts autour de son genou dans une attitude qui n'avait plus rien de militaire. « J'ai suivi les derniers événements, avec une certaine curiosité, » dit-il d'une voix complètement différente, marquée cette fois par l'accent du Nord. « Vous deux en particulier, vous m'intriguez depuis un certain temps. » Le cœur d'Ophélie manqua un battement. Thorne prononça pour elle, d'un murmure presque inaudible, la pensée invraisemblable qui venait de se former dans son esprit. « Vous êtes Dieu !» Les moustaches en guidon du mille-faces se relevèrent sous la poussée d'un sourire. C'était le sourire le moins humain dont Ophélie avait jamais été témoin, et elle frissonna de toute sa peau quand elle s'aperçut que c'était à elle qu'il était adressé. « Ainsi tu as lu le livre de mon fils. » Tu as essayé, du moins. Mes œuvres ne sont pas à la portée de la première liseuse venue. » Le mille-faces promena son regard strabique sur la cellule, puis il dirigea toute son attention sur Thorne. Celui-ci déployait des efforts considérables pour rester debout. Il avait empoigné le bord de la table avec une telle force que ses phalanges semblaient sur le point de se rompre. « Toi, en revanche, tu n'es pas le premier liseur venu. » « Utiliser ta mémoire comme un amplificateur, c'était une idée audacieuse. » Ce disant, le mille-faces eut un hoquet bruyant et porta la main à sa bouche. Il en sortit, le plus naturellement du monde, un petit morceau de métal rouillé. Ophélie se sentit emportée dans un tourbillon d'effarement, d'effroi et de fureur. La dernière fois qu'elle avait vu cet objet, c'était dans la chair du livre de Farouk. S'il était entré en possession de cet individu, peu importait que celui-ci s'appelât Dieu ou mille-faces, c'était un ennemi. Il venait de rendre toute lecture définitivement impossible. « Je détiens plus de connaissances que toutes les bibliothèques réunies, » déclara le mille-faces. « Mais ce petit détail, » dit-il en contemplant tranquillement la pointe rouillée du couteau entre ses doigts, « je dois admettre qu'il a échappé à mon attention. » Il la ravala avec un bruit mouillé de déglutition. « Le groom d'ascenseur !» murmura Ophélie. « C'était vous, n'est-ce pas ? Vous êtes allé voir Monsieur Farouk après moi ? Le mille-face abaissa à demi ses paupières dans l'ombre de son bicorne. D'ordinaire, j'évite de me mêler des affaires de mes enfants, mais Odin me pose des problèmes depuis sa ponctuation, sa conception. Il n'a jamais eu la docilité de ses frères et sœurs. Je pense que la leçon d'aujourd'hui n'aura pas été inutile. Il fera désormais tout ce que je lui écrirai de faire. Les yeux déviants du mille-face se haussèrent vers Thorn qui se cramponnait à sa table, sa jambe brisée traînant comme un poids mort dans un désordre atroce d'angles cassés, à croire que se tenir debout ici et maintenant primait désormais sur tout le reste. À l'heure où nous parlons, Odin se dirige par ici. Il vient pour exécuter ta sentence, mon garçon. Tu as hué un tome. Tué un homme. Et pas n'importe quel homme. Ce disant, le corps du mille-face enfla sur sa chaise, ses moustaches s'effilèrent comme des points d'exclamation, son bicorne se changea en haute forme et son uniforme de gendarme céda la place à la plus élégante des redingotes. Ophélie sentit son estomac se soulever. De voir le baron Melchior assis ici, juste devant eux, c'était spectaculairement morbide. « Se posent deux questions intéressantes. » reprit le mille-face avec la voix roucoulante du baron. « La première, cet homme méritait-il de vivre ? La seconde, mérites-tu, toi, de mourir ? En fait, je pense que tu ferais un bien meilleur tuteur que lui. » Ophélie retint son souffle et leva les yeux vers Thorn. En équilibre précaire sur sa jambe, il se tenait obstinément silencieux. Ses mâchoires étaient tellement crispées, leur ossature saillant sous la peau, qu'il semblait incapable de les desserrer. Le mille-face tordit dangereusement l'inclinaison de sa tête à triple menton de façon à examiner son interlocuteur sous un angle différent. Ophélie fut frappée par la similitude entre ses poses grotesques et celles de Farouk, comme s'ils étaient tous les deux pourvus d'un corps qui ne répondrait pas aux mêmes lois naturelles que le commun des vertébrés. « Tu hésites. Tu ne sembles pas bien mesurer l'honneur que je te fais. » Les tuteurs sont les élus parmi les élus, les seuls à qui j'accorde une abstinence conflue, une confiance absolue. Il n'y a que sur cette arche que je n'ai pas encore trouvé d'enfant digne de me représenter. Ils ont tous été tellement décevants. Melchior a outrepassé son devoir et s'est servi de mon nom à tort et à travers. Quant à ta mère... Au moment précis où il articula ces deux syllabes, le mille-face se mit à perdre du poids. Son corps s'affina jusqu'à prendre l'apparence d'une femme à la beauté anguleuse. Elle portait sur le front le tatouage en spirale des chroniqueurs. « Ta mère, reprit-il d'une voix féminine, avait négligé le sien. » Ophélie crut un instant que Thorn allait perdre l'équilibre pour de bon. Il s'était décoloré jusqu'à devenir livide tandis qu'il contemplait cette version rajeunie de sa mère sans sa marque d'infamie ni ses troubles de mémoire. « Sois le tuteur de mon fils, dit le mille-face. Sois mes yeux et mes oreilles sur cette arche. Aide-moi à remettre ma famille sur le choix demain, le droit chemin. Deviens mon enfant, chéri, entre tous. » Ophélie sentit tout son sang s'embraser, se servir de la bouche d'une mère pour proférer de telles paroles, c'était d'une cruauté inouïe. Le mille-face plia un sourire qui déforma ses belles lèvres de femme sans parvenir à leur insuffler la moindre sensualité. « Qu'en penses-tu, mon garçon ? Dois-je suggérer à Odin de te gracier ? Es-tu prêt à me donner ta vie ou dois-je, moi, te donner la mort ?» « Ce que j'en pense !» répéta Thorn. Ophélie écarquilla les yeux en le voyant sortir le pistolet de sa poche de chemise pour mettre le mille-face en joue. De son autre main, il se raccrochait à la table qui tremblait sous l'extrême tension de ses doigts. « J'en pense qu'il est grand temps pour l'humanité de récupérer ses dés !» Le mille-face fixa le canon du pistolet sans ciller. « Tu n'as donc pas compris, mon garçon, je suis l'humanité. »« Foutaise ! cracha Thorn entre ses dents. « Vous reproduisez l'apparence et le pouvoir des autres pour mieux dissimuler votre propre visage et votre propre faiblesse. Je viens enfin de comprendre pourquoi Hildegarde avait placé ce cordon de sécurité, » ajouta-t-il dans un murmure haineux. « Vous convoitiez sa maîtrise de l'espace, n'est-ce pas ? Vous la convoitiez car vous ne la possédez pas, vous n'êtes pas tout-puissant. » Ophélie eut un haut le corps en entendant la détonation. Thorn avait tiré en plein dans le visage de sa mère. Sa stupeur se mua en horreur quand le mille-faces roula des yeux, louchant vers l'impact de la balle qui était allée se loger au milieu de son front, exactement là où se situait le tatouage clanique. Aucune goutte de sang ne s'écoula du trou, et la peau se referma jusqu'à ce qu'il ne restât aucune trace de blessure. « Tu es aussi décevant que ta mère. Tu es aussi décevant qu'Odin. » Thorn se décomposa. Il tira une deuxième balle, puis une troisième, jusqu'à vider son barillet, visant tous les organes vitaux du mille-faces, mais le corps de ce dernier absorbait les impacts, comme s'il était fait en crème. Quand Thorn n'eut plus de cartouches, le mille-faces se leva de sa chaise dans un mouvement de robe, dépourvu de grâce. « La guerre !» soupira-t-il. « Toujours la guerre. Que dois-je faire pour débarrasser ma progéniture de cette vilaine manie ?» Thorn jeta son arme, empoigna Ophélie par son écharpe et la repoussa de toutes ses forces. « Fichez le camp !» Sans laisser le temps aux mille faces de réagir, Thorn prit appui des deux mains sur la table et relâcha toutes les griffes dont son réseau nerveux était hérissé. En l'espace de quelques secondes, le visage, la gorge et les bras de sa mère furent recouverts de plaies béantes, comme si des dizaines de ciseaux invisibles s'étaient jetés sur chaque parcelle de peau nue. À peine une entaille se résorbait-elle qu'une autre s'ouvrait ailleurs, laissant la chair continuellement à vif. Certaines coupures infligées par les griffes de Thorn étaient si profondes que des lambeaux entiers de muscles se détachaient, mais les capacités de régénération du mille-faces lui permettaient de reconstruire son corps au fur et à mesure. Dos au mur, Ophélie n'osait plus se déplacer que pas à pas. C'était la première fois qu'elle voyait le pouvoir d'un dragon à son plein potentiel, et elle n'aurait su dire de Thorn ou du mille-faces lequel l'impressionnait le plus. Elle avait le sentiment d'être une petite personne insignifiante, prise en tenaille entre les forces de la création et les forces de la destruction. Quand elle réussit enfin à atteindre l'appareil de téléphonie, Ophélie décrocha le combiné pour appeler à l'aide et supplier les gendarmes de rouvrir la porte, mais elle n'entendit, en réponse, que le son de sa propre voix. La ligne était coupée. Elle eut un coup au cœur au moment où ses yeux croisaient les siens dans la paroi dorée qui lui faisait face. Elle se voyait, elle voyait Thorn, mais elle ne voyait personne d'autre dans la cellule. Le mille-faces n'avait pas de reflet. Ophélie n'eut pas le temps de s'attarder sur la question. Une force prodigieuse, semblable à une violente bourrasque de vent, la plaqua contre le mur. Le blindage en or lui glaça la joue. Ses lunettes se tordirent, son bras en écharpe lui rentra dans l'estomac. Elle avait l'impression d'être soudain une épingle magnétisée par un aimant. Le combiné téléphonique qu'elle tenait encore à la main s'était également collé au mur, lui écrasant les doigts. Tous les meubles s'étaient précipités aux quatre coins de la pièce, le lit avait basculé dans un grincement d'acier, les chaises se tenaient rivées au plafond et la table avait enchevêtré ses pieds au barreau de la grille de sécurité. Seule la lampe de bureau flottait dans les airs, retenue à son fil électrique, comme un ballon de fête foraine, son abat-jour tournoyant sur lui-même. Elle projetait une lumière oscillante sur le mille-faces qui avait pris cette fois l'apparence d'un enfant au crâne rasé, caractéristique des habitants de Cyclope, les maîtres du magnétisme et de la gravité. Où était Thorn? À force de se contorsionner, Ophélie aperçut son grand corps recroquevillé sous le lavabo. Son crâne avait brisé la porcelaine de la cuvette et la tuyauterie déversait sur lui un mélange impétueux d'eau et de sang. Immobilisé par la force de répulsion du mille-faces, il était cloué, moitié au mur, moitié au sol. Destructeur de monde! Ophélie frémit en voyant le mille-faces s'approcher de Thorn et s'accroupir devant lui. La lampe le suivait docilement, suspendue en apesanteur comme une méduse. « Je n'ai pas déduit le monstre, détruit le monde, » dit le mille-faces d'une petite voix fluette. « Je l'ai sauvé. Je suis le père et la mère des esprits de famille. Je suis votre parent à tous. Je n'ai toujours voulu que votre bien. Tu as choisi le mauvais adversaire, mon petit. » Thorn s'arc-bouta sur ses coudes pour se décoller du mur, mais le mille-faces mima une chiquenaude et l'intensité de la force gravitationnelle le repoussa violemment en arrière. « Penses-tu toujours que je suis faible ?» À cet instant, le mille-faces ressembla réellement à un enfant qui aurait attrapé une sauterelle et qui s'apprêterait à lui arracher les pattes. Ophélie s'appuya contre le mur pour se dégager, son bras cassé replié contre son ventre lui rentrait dans les côtes. La gravité était tellement faussée qu'elle ne distinguait plus la verticalité de l'horizontalité. Elle contempla son reflet dans le blindage en or, un miroir. Les murs de cette chambre forte étaient des miroirs comme les autres. Se laissant entièrement engloutir par le revêtement, Ophélie rejaillit par le mur d'en face, juste à côté de Thorn. Le champ de répulsion qui émanait du mille-faces lui comprima aussitôt les poumons. « Ça suffit !» expira-t-elle. « Vous avez fait votre offre. Thorn a refusé, tenez-vous-en là !» Ophélie sentit sur elle le regard interdit de Thorn, mais elle concentra toute son attention sur l'enfant accroupi devant eux. Le mille-faces se tourna vers elle d'un air plus ennuyé que curieux, comme il aurait observé un paysage monotone derrière la vitre d'un train. Pourtant, petit à petit, son regard changea. Dans un même mouvement d'expansion, ses paupières, ses sourcils, son front et l'ensemble de sa tête rasée se soulevèrent. Pour la première fois, une véritable émotion apparut à la surface de son visage. « Tu es une marpissoire, une passe-miroir. Je le savais, je sentais bien qu'il y avait quelque chose de familier en toi. Tu portes sa marque. » Marque ? Si Ophélie n'avait pas été concassée par les caprices de la gravitation, elle aurait articulé une vraie question. Elle sentit son souffle se libérer tandis que le mille-faces changeait à nouveau de forme. À force de fixer Ophélie, il avait fini par adopter son apparence. Des flots de boucles sombres jaillirent de son crâne rasé et des lunettes émergèrent de son visage enfantin. Derrière lui, tous les meubles qui s'étaient agglutinés au mur et au plafond retombèrent sur le marbre comme une grêle de météorite. La lampe s'éteignit après sa chute, plongeant la cellule dans une totale obscurité durant plusieurs secondes, puis l'ampoule se ralluma d'un clignotement hésitant. « C'est toi qui lui as permis de s'échapper ?» dit la seconde Ophélie d'une voix indéchiffrable. « Tu as libéré l'autre. À cause de toi, la balance de ce monde a été ébranlée. » Sitôt délivré de l'emprise magnétique, Thorn s'était agrippé au lavabo pour se remettre debout, mais les paroles du mille-faces le figèrent en plein mouvement et l'eau de la tuyauterie continua de s'écouler sur sa figure stupéfaite. Il fallut à Ophélie quelques battements de cœur chaotiques avant de comprendre de quoi lui parlait le mille-faces. « Libère-moi. Mon premier passage de miroir, » chuchota-t-elle. Ainsi, ce n'était pas un effet de mon imagination. Cette nuit-là, il y avait bien quelqu'un de l'autre côté. Ophélie voulut se relever pour regarder son sosie en face, mais elle dérapa sur le marbre mouillé et ne parvint qu'à se faire plus mal au bras. « En admettant que vous ayez raison, » dit-elle avec une grimace de douleur, « qui est cet autre? Et que faisait-il dans la glace de ma chambre ?» Le mille-faces parut réfléchir intensément. D'être jaugé avec une telle sévérité par son propre visage mettait Ophélie profondément mal à l'aise. « L'autre provoquera l'effondre-champ des armes. L'effondrement des arches. Ça a déjà commencé. Et ça ne va cesser d'empirer. » Plus longtemps l'autre restera en liberté, plus le monde ira en s'effondrant. Ophélie crut d'abord qu'il se moquait d'elle, puis elle sentit un frisson d'épouvante se propager jusque dans son écharpe. Elle venait de se rappeler le morceau de terre qui s'était décroché du bord du pôle 4 ans plus tôt. Celui-là n'était pas si grand, lui avait dit Thorne. Un bloc de plusieurs kilomètres s'est décroché d'une arche mineure d'Héliopolis il y a 2 ans. Non. Cela ne pouvait pas être à cause de son passage de miroir. Cela ne pouvait pas être à cause d'elle. Le mille-faces se tourna lentement vers l'horloge de la cellule, miraculeusement rescapée du chaos environnant. Pour quelqu'un qui venait de prédire l'apocalypse, il ne paraissait pas particulièrement nerveux. Il se transforma en un vieil homme à la peau cuivrée, puis fit descendre sur Thorne un regard indifférent. « Odin va arriver. » « Je vais le laisser se charger de ton sort, comme il s'est chargé de celui de ta mère il y a 15 ans. « Quant à toi, » ajouta le mille-faces en s'adressant cette fois à Ophélie, « tu devras refaire ce que tu as défait. Vous êtes désormais liés, l'autre et toi. Tôt ou tard, que tu le veuilles ou non, tu me mêleras à nuit. » Tu me mèneras à lui. Je te garderai à l'œil jusque-là. » Sur ces paroles prophétiques, le vieux corps du mille-faces passa de l'état solide à l'état gazeux. Il s'éleva dans l'air comme un ectoplasme rouge, puis disparut par la grille de ventilation.